لردها وبيان حكمها كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنها كثرة تذاكر الآخرة والوقوف بين يدي الله والميزان والحساب والصحف والجنة والنار والصراط، وأنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا أن يأتي العبد إلى ربه بقلب سليم، بقلب سليم من الشرك وعلم نافع وعمل صالح. ولذا بعد أن علمنا الله أن ندعوه أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، قال عز وجل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لأن تذكر المعاد تذكرا حقيقيا يورث الخشية والإنابة والتوبة. اللهم ثبتنا على طاعتك واجتنب معصيتك إلى يوم نلقاك. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، جزاكم الله خير. si vous pouvez avancer pour laisser la place à ceux qui rentrent parce qu'il y a encore de l'espace inshallah. Donc inshallah si vous pouvez vous rapprocher barakallahu fikum. Donc évitez lorsque vous rentrez de vous asseoir au niveau de la porte parce que ça bloque tout. Jazakallah. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah. Et rappelez-vous que nous allons tous mourir. Et rappelez-vous que nous serons seuls dans notre tombe. Et rappelez-vous que lorsque l'on sera mort et que l'on sera isolé dans notre tombe, nos meilleurs amis, notre famille, sera triste pendant une période de temps, puis ce sera fini. Personne ne pensera à nous. Illa man rahimahullahu rabbul alamin. À nous de se remettre donc en question sur qu'a-t-on fait exactement et que fait-on pour espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas constamment vivre sur l'espoir qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Certes, Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais il est aussi le plus dur en châtiment. Donc, n'oublions pas la deuxième partie du verset. Certes, Allah est très miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment. Où que l'on soit, on peut être isolé ou entre frères ou en famille ou peu importe sur terre, dans n'importe quelle profondeur, Allah Azza wa Jal nous observe constamment. Allah Azza wa Jal sait tout ce qui se dit. Et Allah Azza wa Jal entend tout ce qui se dit. Et Allah Azza wa Jal sait ce que cachent nos cœurs. Êtes-vous fier d'apporter à Allah Azza wa Jal des insultes et de la vulgarité? Êtes-vous fier de mentir et de tricher en pensant que vous gagnerez le gros lot? Êtes-vous fier en pensant qu'en le fait de manquer de respect ou de manger le droit d'autrui, vous avez réussi votre coup? Rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Et la tombe sera notre destinée avant le retour vers Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, mes frères, rapprochez-vous encore. Si vous avez de l'espace, rapprochez-vous. Jazakumullah. Donc, méditez constamment sur cela. Barakallahu fikum, que personne ne peut fuir d'Allah. Car le fait d'oublier Allah Azza wa Jal, vous oublierez de vous rappeler de lui. Eh bien cela, c'est une stratégie du diable. Car pensez-vous que vous aimerez vous rappeler d'Allah Azza wa Jal lorsque vous êtes en train de commettre des péchés? Ou lorsque des gens fument autour de vous? De la drogue ou boit autour de vous? Hein? Mais si vous vous rappelez d'Allah Azza wa Jal, vous quitterez ces endroits. Et vous tenterez vous de vous raffermir et de revenir vers Allah. Donc rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah. Et l'un de nous va partir, retourner vers la terre. Qui est Allahu A'lam, serviteur d'Allah. Allah le Très-Haut a créé les deux pesants. Thaqalayn, les deux pesants sont les djinns et les humains. Dans le but qu'ils adorent Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Il nous a créés afin que l'on se rapproche de lui par la croyance saine, les œuvres et les paroles dont Allah le Très-Haut a légiféré dans son livre et dans la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le Très-Haut nous a ordonné de rester ferme sur l'adoration que l'on doit vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal. On doit rester ferme durant toute notre vie. Cette adoration que l'on voue exclusivement à Allah Azza wa Jal n'est pas limitée à un temps, n'est pas limitée à une période. Mais nous sommes dans le devoir, en tant que musulmans, soumis à Allah Azza wa Jal, qui croit au Coran et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans le devoir et l'obligation d'adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Cette vie-là, c'est une vie de test où Allah Azza wa Jal nous a créé pour qu'on l'adore. Pas pour qu'on l'oublie et puis pour qu'on le désobéisse et qu'on pêche. A'oudhu billah. Allah Azza wa Jal dit clairement, le dernier verset de Sourate Al-Hijr dans la traduction du sens du verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Cependant, il y a des musulmans et musulmanes qui sont au départ motivés dans les actes d'adoration qu'elles voient Allah Azza wa Jal. Ils sont motivés dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ainsi que dans le fait qu'ils s'écartent et fuient les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Tout cela pendant une période de leur vie. Soit après une repentance, soit pendant et après le mois de Ramadan, soit pendant la période du Hajj, soit durant sa maladie, ou lorsqu'il rencontre, il ou elle rencontre des difficultés. Puis lorsque tous ces maux, toutes ces difficultés, tous ces problèmes sont terminés, et que les saisons d'obéissance sont passées, les voilà qui rejettent derrière eux ce sur quoi ils étaient. Et se mettent à suivre leur passion et l'égarement des gens de la masse. Beaucoup d'entre eux faisaient partie des gens de la droiture. Puis leur état changea. Ils étaient de ceux qui s'écartaient de tout équivoque ou doute. Mais les voilà qui ne craignent même plus les interdits. En train de commettre aujourd'hui des grands péchés. Ils s'écartaient des petits, ils faisaient attention aux moindres détails. Et aujourd'hui, ils ont changé, ils ont laissé la droiture et l'obéissance à Allah derrière eux, et ils se permettent et s'autorisent même de commettre des grands interdits sans se soucier des conséquences, ni peur, ni crainte du châtiment. Tu les voyais fréquenter souvent la mosquée, mais aujourd'hui tu ne les vois que très rarement, voire pas du tout. Remets-toi donc en question, et observe ton état au départ, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal et ce que tu es devenu actuellement. Serviteur d'Allah, ces péchés et cet éloignement d'Allah Azza wa Jal que le serviteur commet met en péril les bonnes œuvres qu'il a fait. Le danger de voir ces bonnes œuvres consumées par ses péchés et son éloignement d'Allah Azza wa Jal. Car si les péchés deviennent plus nombreux dans la balance le jour de la résurrection, les bonnes œuvres se voient réduites en poids. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset « Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, Voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et Allah Azza wa Jal nous a informé qu'une seule mauvaise œuvre peut rendre invalides les œuvres du serviteur sans que celui-ci ne s'en rende compte. Une seule mauvaise œuvre, ça peut rendre invalide tout ce qu'il a fait. Un péché, ça peut rendre invalide tout ce qu'il a fait. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. » Et Allah Azza wa Jal met en garde contre le fait de faire des mauvaises œuvres après avoir commis de bonnes œuvres en disant, dans la traduction du sens et des versets, « Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. » Rappelez-vous de ça. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Donc, ne soyez pas comme celle qui s'est fatiguée d'avoir solidement filé sa quenouille. Puis, une fois qu'elle s'est fatiguée, elle a lié, qu'elle a pris du temps, des efforts, elle s'est fatiguée à la faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à la déchirer, elle se met à la délier. Ne soyez pas comme cela. Ne soyez pas comme cela. Vous faites des bonnes œuvres, puis ensuite vous mettez à faire des péchés qui vont corrompre les bonnes œuvres que vous avez faites. Vous avez fait tant d'efforts sur cela. Tant d'efforts, comme on disait, à se lever le soir, à faire les tarawih, à faire de bonnes œuvres. Et ensuite, vous vous empressez vers les péchés afin de corrompre tout le bien que vous avez fait. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « L'un de vous aimerait-il un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits que la vieillesse le rattrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. » Le Coran, méditez dessus. C'est pas une décoration, c'est ni juste on le lit pour le plaisir de le lire. Allah Azza wa Jal, il l'a révélé aux vivants, pas aux morts, aux vivants, pour que vous méditiez dessus. Pour que vous compreniez les images qu'Allah Azza wa Jal donne. Et ceci est un exemple par lequel Allah Azza wa Jal montre celui qui a fait de bonnes œuvres, puis s'est mis à en faire de mauvaises et à s'écarter de la droiture. Tes bonnes œuvres sont similaires à des graines. Et par cela, Allah Azza wa Jal t'en fait un jardin dans lequel il y a toutes sortes de fruits et sous lesquels coulent les ruisseaux. Alors à toi de conserver ce jardin en faisant constamment de bonnes œuvres, en obéissant à Allah Azza wa Jal et en s'écartant de ses interdits. Mais si tu corromps tes bonnes œuvres par des mauvaises œuvres, par des mauvaises actions, par des péchés, tu ne fais qu'envoyer sur ce jardin. Donc tu as fait des bonnes œuvres, qu'on comprenne bien l'image. Tu as fait des bonnes œuvres, tu as récolté ces graines-là, qui en font un jardin. Allah Azza wa Jal t'en fait un jardin. Puis tu te mets à faire des mauvaises œuvres, c'est comme si que tu envoyais ce tourbillon de feu pour aller brûler ce jardin-là. Serviteur d'Allah, il a été rapporté authentiquement dans Sahih al-Bukhari que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres ne sont considérées que par leur état final. Donc quiconque voit sa vie se terminer sur une œuvre parmi celles des gens du paradis, il en fera partie. Et quiconque voit sa vie se terminer sur une œuvre des gens de l'enfer, celui-ci est sous la menace d'en faire partie. Ce qui montre notamment l'importance de l'état final des œuvres. Cela est montré, notamment dans le hadith authentique dans lequel Allah Azzawajal demande à ses anges qui descendent parmi nous durant les prières du Fajr et du Asr à la mosquée. Allah Azzawajal leur demande: dans quel état avez-vous laissé, dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Il n'a pas dit: dans quel état avez-vous trouvé mes serviteurs? Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Car l'essentiel est dans quel état final se trouvent les œuvres du serviteur d'Allah. En effet, dans ce hadith, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres ne sont considérées que par leur état final, cela fait notamment référence à un des musulmans, dans ce hadith-là, qui combattait les polythéistes de toutes ses forces. Les compagnons étaient impressionnés par cela. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui-ci est en enfer. Un des compagnons se mit à suivre celui qui combattait avec bravoure. Et a vu que celui-ci était blessé. Ne supportant pas la douleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Voilà pourquoi les œuvres ne sont considérées que par leur état final. On se voit, on prie, on jeûne, on fait, hein? Mais leur état final, sur quoi tu vas mourir? Allah Azza wa Jal expose tout. Parmi les signes des gens de la sunna, c'est le fait de rester ferme sur la vérité et la sunna, jusqu'à la mort. Tandis que parmi les signes des gens de bid'a, de l'innovation religieuse et de l'égarement, c'est le fait d'être instable dans la religion d'Allah. Ils changent de couleur selon le lieu et les gens qu'ils rencontrent. Changent de peau en fonction de ses intérêts. C'est pour cela que Hudayfa, radiallahu anhu, barakallahu fikum, faites un effort, inshallah, s'il y a de l'espace, de vous rapprocher. Jazakumullahu khair. Sinon, il y a l'autre entrée par derrière, inshallah, pour ce qui vient. C'est pour cela que Hudayfa, radiallahu anhu, disait: l'égarement évident. Écoutez cette parole-là de ce compagnon. Hudayfa, sahab al-sir, celui qui détenait le secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la liste des hypocrites. Écoutez. Barakallahu fikum. L'égarement évident est d'accepter, d'agréer ce que tu détestais et reniais. Ou de détester et de renier ce que tu connaissais. Ça, c'est l'égarement évident. C'est que tu te mets à faire des choses qu'avant, tu disais non, ne ferai pas, c'est interdit. Et aujourd'hui, tu te mets à faire le contraire. Ce qui est dommage, c'est de retrouver cet effet caméléon parmi ceux qui s'affilient à l'islam et à la prédication. Mais ceci est une preuve claire qu'ils n'ont pas été éduqués sur la sunna authentique. Mais ils ont été éduqués à plaire aux gens, à leur groupe, en devançant leur obéissance sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Serviteurs d'Allah, on se doit tous de faire des efforts à rester ferme sur l'obéissance d'Allah le Très-Haut, à s'écarter de sa désobéissance, en invoquant Allah Azza wa Jal très souvent, avec sincérité. Celui qui veut cette fermeté dans la religion et rester ferme, il se doit de, lorsqu'il est en prosternation ou lorsqu'il fait des doigts, il invoque Allah Azza wa Jal. Il l'invoque souvent, avec sincérité, car Allah Azza wa Jal sait si la personne, si le musulman, l'individu, recherche la vérité, Allah le guidera vers la vérité et le raffermira dans la religion. Donc il faut être sincère lorsque l'on demande à Allah Azza wa Jal. Car le serviteur, s'il ne reçoit pas cette aide d'Allah Azza wa Jal, il est remis à son diable et à son âme, celle qui ordonne le mal. Serviteur d'Allah, il y a énormément de causes afin de rester ferme sur la droiture et d'être préservé de l'égarement après l'obéissance. Cela étant mentionné dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même répétait et invoquait Allah azza wa jal très souvent: ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, fais que mon cœur reste ferme sur ta religion. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui invoquait cela. Alors qu'en est-il de nous en 2015? Loin de tout. Et Allah le Très-Haut nous enseigne dans son livre de dire: Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Parmi les causes également de la fermeté sur la droiture, il y a la lecture constante du Coran, sa compréhension, son application, tel qu'Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Il y a également le fait d'efforcer son âme à rechercher le savoir authentique et à l'appliquer. Car si tu appliques ce que tu as appris, Allah Azzawajal te raffermira et augmentera ta guidée, la droiture et le bien. Telle la parole d'Allah Azzawajal dans la traduction du sens du verset, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Et leur foi aurait été plus affermie. Parmi les causes de la droiture, il y a le fait de prendre pour compagnie les gens qui sont sur la sunna. Car l'individu est sur la religion de son compagnon, telle la parole d'Allah le Très-Haut, fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Il y a également le fait de retourner aux grands savants de la sunna lorsque les équivoques et troubles apparaissent. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas, comme dans la traduction du sens du verset. Ce qui aide aussi, Inch'Allah, à rester ferme sur la religion d'Allah Azzawajal, c'est le fait de se rappeler constamment la mort, que nous devrons rendre compte de nos œuvres, se rappeler que tout ce que nous avons fait est écrit, se rappeler du paradis, de l'enfer, du pont à traverser le jour de la résurrection. Du pont à traverser le jour de la résurrection. Hein? Et ce pont-là, selon les œuvres de l'individu, il la traversera soit comme une flèche, soit très rapidement, soit lentement, soit en rampant, alors que d'autres tomberont en enfer. Se rappeler que nul ne peut nous être bénéfique si nous n'agissons pas ni n'œuvrons sur la droiture. Rien ne peut être... Si vous pouvez éteindre les téléphones portables. Se rappeler que nul ne peut nous être bénéfique si nous n'agissons pas ni n'œuvrons sur la droiture. Rien ne peut être bénéfique à l'individu le jour de la résurrection, excepté celui qui viendra avec un cœur saint, dénué de tout polythéisme, avec une connaissance profitable et des œuvres pieuses. Allah nous rappelle cela dans son livre, après qu'il nous a enseigné de l'invoquer pour rester ferme sur sa religion. Allah le Très-Haut Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset, « Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour. » En quoi il n'y a point de doute, Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Car le fait de se rappeler sérieusement du jour du jugement, cela apporte la crainte au serviteur et cela le poussera, Inch'Allah, à revenir vers Allah Azzawajal repentant. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous pardonner nos péchés. Que l'on soit sérieux lorsqu'on fait cette demande-là et cette invocation-là. Qu'on recherche sincèrement le pardon d'Allah Azzawajal. Que ce ne soit pas une habitude juste pour qu'on est habitué de le dire. On recherche sincèrement le pardon d'Allah Azzawajal. Rappelez-vous que, comme cela a été clarifié, le jour de Ashura est le samedi 24 octobre, demain, Inch'Allah. Cela a été clarifié donc par donc le Maroc, c'est samedi 24, l'Algérie c'est samedi 24, la Tunisie c'est samedi 24 octobre, et l'Arabie Saoudite donc a sorti ce jugement que c'était le premier jour du mois de Muharram, c'était le jeudi 15 octobre, et donc Ashura sera le samedi 24 octobre. Donc le jeûne de Ashura, barakallahu fikum, la meilleure façon de le jeûner, c'est de jeûner le 9e, 10e et 11e jour, ce qui correspond à vendredi, samedi et dimanche. Celui qui ne peut pas, il jeûne vendredi et samedi, 9e et 10e. Celui qui ne peut pas, il jeûne seulement Ashura. Et rappelez-vous que le jeûne du mois de Ashura expie, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les péchés mineurs de l'année précédente. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur la droiture. Et rappelez-vous, barakallahu fikum, qu'il y a un repas après la salat du Maghrib samedi, Inch'Allah. جزاكم الله خيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعفينا فيمن عفيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.